A. Un match incroyable! Les Bleus sont champions du monde avec le magnifique score de 7 à 1. B. La célèbre artiste autrichienne sera en tournée en France au mois de juillet. C. Les salariés menacent de faire grève. D. L'industrie automobile va mieux cette année. E. Le nouveau robot est 10 fois plus puissant. F. Ça y est, c'est officiel. Nous connaissons le nouveau candidat aux prochaines élections présidentielles.